AgroJ'écoute, ça commence maintenant. AgroJ'écoute, l'émission où les étudiants de l'école d'ingénieurs de Purpan prennent le micro pour nous parler d'agronomie, d'environnement, d'agroalimentaire et d'agriculture. AgroJ'écoute, une émission préparée et conçue par Sophie Yvon et Simon Giuliano. Les paysans ne sont pas les seuls dans le département de l'Aveyron à s'en prendre au symbole de l'industrie agroalimentaire. Tous les produits en cidre devraient être interdits. En partenariat avec Campus FM, l'Université fédérale de Toulouse et l'École d'ingénieurs de Purpan. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast AgroJ'écoute, un podcast réalisé par les étudiants de l'École d'ingénieurs de Purpan en partenariat avec Campus FM. Aujourd'hui, nous sommes trois. Charlotte Maisonnab. Bonjour les filles, bonjour à tous. Colline Alvissier. Bonjour à toutes et à tous. Et moi-même, Margot Buffaut. Nous sommes toutes en cinquième année dans le cadre de notre domaine d'approfondissement « Devenir acteur de la transition agroécologique ». Nous réalisons cet épisode intitulé « Quand je serai grand, je serai agriculteur, agricultrice ». Dans ce podcast, nous allons parler de la transmission des exploitations agricoles familiales. Pour cela, nous avons une invitée qui s'appelle Clémence Cabrit. Elle est agricultrice et elle nous parlera de son expérience. On la recevra dans la seconde partie de l'émission. La transmission dans le cadre familial veut dire que c'est un des descendants directs de l'exploitant qui reprend la ferme, donc son fils ou sa fille. Cette transmission dans le cadre familial est bien plus qu'une transmission d'exploitation. C'est la continuité d'une histoire, d'un patrimoine, d'un savoir-faire qui se transmet de génération en génération. De nos jours, le nombre de fermes diminue fortement. Entre 1970 et 2020, le nombre d'exploitations a été divisé par 4 en France, selon l'AGREST, l'Institut national de recensement agricole. Aujourd'hui, on parle de 18% des exploitations agricoles qui ont disparu en 10 ans. Cependant, le nombre d'installations est stable, mais il y a beaucoup plus de départs que d'installations. En effet, 45% des agriculteurs-agricultrices vont cesser leur activité d'ici 2026, d'après le CIVAM, le Centre d'initiative pour valoriser l'agriculture et le milieu rural. Ces chiffres, comme tu l'as dit, Charlotte, ils reflètent un petit peu l'agriculture en crise en ce moment, avec toutes les crises qu'on peut voir et un contexte qui est loin d'être favorable pour le moment. Donc reprendre une exploitation, qu'elle soit familiale ou non, relève souvent d'un parcours qui est semé d'embûches, si je puis dire. Donc des démarches administratives qui sont plutôt lourdes, un accès au foncier qui est parfois difficile, des contraintes financières assez importantes. Et même dans le cadre familial, les transmissions ne sont pas sans difficulté. Mais bon, malgré tout, heureusement, certains et certaines trouvent l'envie, la motivation, le courage de se lancer dans cette aventure d'une vie. C'est d'ailleurs la question que nous posons tous les trois aujourd'hui, de reprendre une exploitation. Et ça nous fait un petit peu peur, c'est vrai, mais bon, on sera courageux sur ça. D'ailleurs, moi j'aimerais bien m'installer dans une exploitation de vaches laitières en transformation à la ferme donc, de fromage et pouvoir utiliser le petit lait pour engraisser des porcs en plein air. Tout ça dans ma région d'origine, les Hautes-Pyrénées. Donc de mon côté, j'aimerais aussi reprendre l'exploitation. Bon, cette fois-ci, pas dans les Pyrénées, mais en Aveyron. J'aimerais reprendre la ferme familiale où mon grand-père produisait du lait de vache. Mon père, lui, a repris à son tour, a converti l'exploitation en bio en 2015. Il a aussi développé une activité d'agroforesterie avec une valorisation en bois d'œuvre et bois énergie. Donc j'aimerais reprendre la ferme, j'aimerais continuer toutes ces activités. Et j'aimerais développer un atelier de transformation fromagère à la ferme, tout en restant en bio. Waouh. Bon, moi, j'ai ce point commun avec vous. Moi aussi, j'aimerais reprendre l'exploitation familiale, mais un petit peu plus loin, un peu plus loin des montagnes. Ce serait dans le Gers. La ferme a été achetée par mes grands-parents un peu avant la Seconde Guerre mondiale. Ils étaient immigrés italiens et ils ont travaillé toute leur vie pour s'offrir une ferme à eux, donc un outil de travail qui fonctionne. Aujourd'hui, c'est mon père qui a repris l'exploitation en polyculture et élevage porcin. Et la ferme familiale sera demain entre mes mains pour de nouveaux projets, pourquoi pas en maraîchage. Voilà, alors que nous nous posons énormément de questions, donc à nous-mêmes bien sûr, mais aussi à tous ceux qui nous entourent, à nos familles, nos amis, nos voisins, à tous ceux qui se sont déjà installés et qui vivent déjà cette expérience loin du rythme métro-boulot-dodo. Donc avant de commencer à se poser toutes ces questions, je pense qu'il serait important qu'on fasse un petit point historique, parce qu'aujourd'hui on a la chance de pouvoir se les poser ces questions, de se demander si oui ou non on va reprendre la ferme, et est-ce que oui ou non on va s'installer où on a grandi. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Avant 1946, être paysan, c'était pas un métier. C'était vraiment une classe sociale, une condition sociale. C'était un état. Enfin, on naissait paysan et on deviendrait paysan. C'est vraiment ce qui a été le cas pour mon grand-père, où on ne lui a pas vraiment demandé son avis. Son père était paysan, donc lui aussi deviendrait paysan. Il n'a pas eu le choix. C'est ça, comme tu disais, c'était vraiment une famille agricole patriarcale où paysan, c'était même pas considéré comme un métier. Et c'est après la Seconde Guerre mondiale où paysan, c'est devenu un métier parce qu'on avait besoin de nourrir la France. Donc l'image du paysan a été un peu redorée, même si c'était vraiment un métier qui restait familial dans les campagnes, qui s'appuyait vraiment sur la main-d'œuvre familiale et tout le monde travaillait sur la ferme. Et à cette époque-là, la transmission est restée une succession familiale obligée. C'était l'aîné de la famille qui reprendrait la ferme et deviendrait paysan à son tour. Et c'est qu'à partir de 1965, donc là on a un contexte de politique agricole publique qui souhaite entre guillemets moderniser la profession et qui va inciter à la modernisation des fermes pour accroître la productivité du travail parce qu'on a toujours besoin de nourrir plus de monde. Et c'est à ce moment-là que la transmission devient une succession familiale qui est de plus en plus voulue parce que le métier attire de plus en plus. Et c'est qu'à partir des années 1980 ou 2000 que là, on est vraiment une évolution des carrières professionnelles. On n'est plus obligé de s'engager dans un métier pour toute la vie. On peut changer. Et là, l'installation devient un vrai choix personnel. La transmission, c'est si quelqu'un le veut bien. Oui, comme ton père. Il a eu le choix de faire ce métier-là, même si ton grand-père n'était pas forcément d'accord avec cette idée, quoi. Oui, c'est ça. Il a vraiment exprimé son envie de reprendre la ferme par passion. Et il a pu le faire parce qu'il le voulait. Et en 2004, si je peux ajouter une petite touche, il y a 10% des agriculteurs qui s'étaient installés en hors cadre familial. Donc on remarque bien que c'est vraiment du coup là un choix aussi personnel des gens qui n'étaient pas dans des exploitations et qui en fait ont voulu s'installer d'elles-mêmes dans une exploitation agricole, quoi. Et pour un petit topo, en 2020, il y avait 416 000 exploitations en activité. Et sur ce chiffre-là, il y a une estimation de 3/4 des exploitations qui sont transmises dans le cadre familial. Et oui, j'ai bien dit estimation parce que c'est difficile de recenser de nos jours le nombre d'installations en cadre familial ou non. Parce qu'il y a un trop grand nombre d'acteurs sur ce sujet-là. Mais la reprise d'exploitation agricole, c'est vraiment le projet d'une vie. Et c'est un projet où, je pense, il y a beaucoup, beaucoup de questions, et notamment des grandes questions qui, aujourd'hui, nous font... S'interroger, effectivement. C'est évidemment le cas. Quand on parle d'installation, c'est un projet aux mille questions. Et pour ma part, si je devais en extraire une, ce serait le fait de s'installer seul. Vraiment, c'est quelque chose qui, quand j'ai commencé à réfléchir à mon projet d'installation, me faisait vraiment peur, puisque j'avais peur de ne pas m'en sortir, d'être dépassée dans le travail, que financièrement, ça ne se passe pas non plus comme je le souhaite. Une installation, ça veut dire investir pour transformer l'exploitation déjà existante, pour la mettre à son image finalement. Ça veut dire aussi beaucoup de travail et j'ai aussi eu cette sensation, enfin en tout cas cette peur, d'être socialement un petit peu exclue et de devoir trop travailler, d'être submergée finalement. Je comprends. Sur ce point de vue-là, et pour moi, je pense que une des solutions sur lesquelles on pourrait travailler justement pour éviter en fait cet isolement, ça serait d'aller de plus en plus sur des formations qui sont proposées, ou alors aller dans les groupes d'agriculteurs qui se font de plus en plus pour parler de certains sujets. Par exemple, la Chambre d'agriculture, elle fait des formations avec des groupes 30 000, des groupes des filles. Il y a aussi les CUMA pour partager le matériel. Et là, je pense que du coup, tu aurais un lien social. C'est vrai qu'avec des agriculteurs, mais au moins, tu as déjà cette envie de communiquer, de parler avec tes voisins, des gens qui sont acteurs dans ton territoire. Et pourquoi pas trouver peut-être un ou plusieurs associés pour après être avec toi sur ton exploitation. Bah ouais, comme tu dis, tu parles des associés. Le CIVAM, l'organisme qu'on a cité un peu plus tôt, ils estiment qu'il y a 75% des transmissions qui envisagent une reprise en collectif. Donc c'est quand même pas rien, ça montre une vraie volonté des gens qui s'installent de vouloir travailler ensemble pour diminuer toutes les difficultés dont tu viens de parler. Et Colline a aussi parlé des groupes, des chambres d'agriculture. Il y a différents groupes qui se montent. Il y en a un particulier. Enfin, il y a des groupes qui se montent qui s'appellent des CETA. Donc, c'est des centres d'études techniques agricoles. Et donc, il y en a un peu partout. Et c'est des groupes d'agriculteurs qui se retrouvent pour échanger sur leur exploitation. C'est plutôt technico-économique pour améliorer leur production, etc. Mais ça leur permet aussi d'échanger sur plein de choses et de créer un effet de groupe qui est hyper bénéfique à l'évolution des exploitations. Et après, tu peux toujours faire de la formation continue tout au long de ta carrière. Il ne faut pas se fermer des portes. Oui, c'est sûr que toutes les solutions sont bonnes à prendre dans tous les cas. Et en discutant autour de moi, pour le coup, je pense que la solution qui me correspondrait le plus, ça serait quand même de trouver un ou une associée. C'est d'ailleurs ce que j'ai commencé à faire. Et tu vois, tu disais tout à l'heure que, que tu avais un petit peu peur financièrement parce qu'il fallait investir pour transformer. Mais moi, je trouve que c'est ma plus grande crainte, en fait, du coup. C'est vraiment les difficultés d'investissement pour l'achat du foncier ou pour acheter les parts, du coup, en famille, quoi. Si, juste pour vous chiffrer, là, vite fait, pour que vous vous rendiez compte. Enfin, moi, mon inquiétude, c'est vraiment sur l'exploitation que je souhaiterais. Ce serait à l'échelle de 60 mère vache laitière pour une soixantaine d'hectares à 7000 euros l'hectare, ça me ferait quand même un investissement sur le foncier à une hauteur de 420 000 euros et enfin, c'est pas rien, hein, je vais pas le sortir comme ça de ma poche, donc moi c'est vraiment la question qui me fait peur, il n'y a pas les bâtiments, j'ai pas les charges d'électricité et tout ce qui va autour quoi. C'est vrai que c'est une somme non négligeable, pour le coup, quand on s'installe. Mais oui. Et des solutions existent par rapport à ça. Il y a pas mal d'associations qui se montent justement pour acheter du foncier et le louer ensuite à des jeunes installés ou à des agriculteurs. Je pense notamment aux associations comme Terre de Liens, Occitamie, Ceinture Verte, Ferme en Vie, France Active. Même les coopératives, en fait, se posent ce genre de questions parce que c'est tellement prépondérant quand on veut s'installer. L'accès au foncier est vraiment une très, très grosse question. Ah d'accord, je ne savais pas que les coopératives, de plus en plus, du coup, elles se mettaient aussi sur le sujet de l'investissement. J'avais fait des recherches personnellement, parce que du coup, je suis dans la région de l'Occitanie, et l'Occitamie, pour le coup, je m'étais renseignée pour justement louer, en fait, des terres pour que ça soit plus simple pour moi, quoi, que je n'ai pas à investir une grosse somme d'argent. Mais d'un autre côté, j'aimerais bien être propriétaire. Vous voyez, c'est quand même sentimental de posséder quelque chose, de se dire, voilà, ça, c'est mon travail, et pour pouvoir après le transmettre peut-être à mes enfants. Ouais, je comprends. Enfin, moi, ce désir de propriété et d'être vraiment chez soi, ça fait vraiment écho pour moi. Et c'est vrai que... Après, il y a différents moyens. Soit tu peux intégrer une exploitation existante. Enfin, par exemple, tu peux rentrer dans un GAEC en apportant un peu de capital. Tu apportes beaucoup moins en valeur, mais tu commences à rentrer dans la société et puis tu peux petit à petit en apporter. Et si on parle vraiment de transmission familiale, chez moi, ce qui a été fait, c'est qu'on a monté une société qui s'appelle un GFA. Donc, c'est un groupement foncier agricole. Et donc, en fait, les frères et sœurs, pour le partage de famille, ils ont chacun un nombre de parts. Et ça permet à celui qui veut reprendre l'exploitation de petit à petit racheter des parts. Et comme ça, il n'a pas un gros investissement à faire dès le début. Et ça peut étaler l'investissement. C'est beaucoup plus simple, c'est plus souple comme solution. D'accord, oui, ouais, ben oui, vu comme ça, c'est sûr que c'est plus, enfin, ça fait moins peur en fait de se dire, d'accord, je vais investir un petit peu, mais pour pouvoir après, au fur et à mesure des années, ben du coup, continuer à investir et après, à la fin, pouvoir posséder quelque chose, ça met, je trouve, plus en confiance. C'est ça, ouais. Et de mon côté, c'est vrai que cette question d'investissement foncier, ça me préoccupait aussi. Mais moi, vraiment, ma plus grosse inquiétude, c'est vraiment comment va se passer la communication lors de la transmission. Parce qu'en fait, le cédant, il a travaillé toute sa vie sur la ferme, pendant 30 ou 40 ans. Il a ses habitudes, ses projets, ses façons de travailler. Et donc le repreneur, même qu'on soit de la même famille, on n'a pas forcément les mêmes façons de travailler, pas les mêmes idées, pas les mêmes projets. Et donc c'est vraiment comment on fait pour articuler tout ça. Est-ce qu'il y a des difficultés de communication? Comment on fait pour éviter les conflits intergénérationnels? Comment ça se passe dans la vie de tous les jours, quoi, pour s'organiser? Alors, des conflits intergénérationnels, c'est sûr, il y en aura. Vraiment, là, pour le coup, je pense qu'il n'y a pas de secret. Il y en a toujours, il y en a toujours eu, il y en aura toujours, je pense. Mais là aussi, il y a des solutions, et notamment de l'accompagnement par des structures comme des chambres d'agriculture qui sont là pour l'organisation du travail entre associés ou même juste pour la communication entre associés et membres de la même famille. Je pense aussi à une association tarnaise, ça s'appelle l'ATAG, c'est l'association tarnaise pour le développement de l'agriculture de groupe, où justement ils font un travail exceptionnel, je trouve, avec plusieurs associés que j'ai déjà pu rencontrer, des groupes de personnes qui avaient justement des difficultés de communication, même s'ils étaient d'accord sur un projet initial. Après, les envies changent, c'est normal, et ils ont pu se faire accompagner par ce genre d'association, et c'est vraiment, vraiment essentiel. Ouais, je ne connaissais pas cette association, mais ouais, ça m'a l'air hyper intéressant. Mais comme tu dis, Margot, je pense que la clé, c'est la communication, surtout dans un monde où, surtout dans le monde agricole, la communication, ce n'est pas toujours facile, il est des fois et parfois fermé, donc... Je pense qu'il faut vraiment que le cédant et le repreneur soient au courant des envies de l'un et de l'autre et que les objectifs de travail soient vraiment dits et écrits de manière à ce que ça soit clair entre eux et concis. Mais je pense que pour ça, dans quelques minutes, nous allons avoir la chance d'accueillir Clémence Cabrit, une jeune agricultrice qui a repris l'exploitation familiale avec ses parents et son frère et sa sœur, pour répondre à cette question justement de communication au sein d'une exploitation et d'autant plus qu'elle soit familiale. Donc on se retrouve juste après le morceau de Wazou intitulé « Agriculteur, pas de pays sans paysans » qui reflète les motivations et les passions du métier d'agriculteur. Toute l'année, même les jours fériés, sous la pluie, la neige ou le vent, notre passion, notre métier se vit au milieu des champs, à la fraîche au petit matin. Le coq nous clame ses chansons l'année prochaine, oui, c'est certain, il remportera l'Eurovision. On ne redoute pas le labeur, pour le pire, pour le meilleur, la terre est au fond de nos cœurs, car nous sommes agriculteurs. Pâturage en pâturage, aux petits soins pour nos bovines. Les cloches entonnent sur les collines, la mélodie de nos campagnes. La nature nous donne cette envie de croire en notre avenir. Ce terroir nous a vu grandir, on lui consacre notre vie. On ne redoute pas le labeur, pour le pire, pour le meilleur. La terre est au fond de nos cœurs, car nous sommes agriculteurs. Surtout ne te fais pas de mille, on ne va pas trier les lentilles à côté du puits envolé. Avec le cou déjà levé, y aura Jim, notre vedette. On t'attendra de l'île à la buvette. On se couchera à point d'heure, sans le pire, juste le meilleur. La terre est au fond de nos cœurs, car nous sommes agriculteurs. C'était le morceau de Wazou, intitulé « Agriculteur, pas de pays sans paysans ». Et on se retrouve pour la seconde partie du podcast. Donc nous avons le plaisir d'accueillir Clémence Cabrit, qui est notre invitée pour ce podcast. Cette jeune agricultrice s'est installée en 2020, à l'âge de 26 ans, avec ses parents et ses frères et sœurs sur la ferme familiale qui est située en Aveyron, la ferme de Cabrol. Ils sont actuellement 6 à faire fonctionner la ferme et ils produisent des veaux d'Aveyron et du Ségala, des porcs fermiers, des canards de Barbarie et des poulets fermiers. Aujourd'hui, elle a 30 ans et elle nous éclaire sur son ressenti et nous donne son point de vue sur son installation. Bonjour Clémence, comment ça va ? Bonjour tout le monde, bonjour les filles, ça va très bien, merci, contente de vous entendre. Nous aussi. Merci en tout cas Clémence de te prêter au jeu et de nous accorder un petit peu de temps pour participer à notre émission. Alors tout d'abord, nous aimerions savoir pourquoi tu t'es installée et quand as-tu su que tu voulais reprendre l'exploitation familiale ? Alors, moi, j'ai grandi dans la ferme familiale. Donc, comme vous disiez tout à l'heure, quand autrefois, on grandissait, on était dans une, on savait qu'on finirait agriculteur. Mais moi, pour le coup, c'était pas forcément le cas parce que j'ai grandi à la ferme et j'ai eu vraiment une belle enfance avec mes parents, mon frère et ma sœur sur la ferme. Mais on nous a toujours dit, mes parents nous ont toujours dit, faites ce que vous voulez tant que ça vous plaît. Et donc c'est vrai que ça c'était hyper intéressant déjà de pas se sentir obligé de reprendre la ferme. Donc on a pu ouvrir toutes les opportunités possibles pour nous. Et ils nous ont toujours dit voilà, faites ce qui vous plaira. Et donc moi j'aimais bien les études, donc je suis partie un peu comme vous, BTSPA, puis ensuite j'ai fait une école d'ingé agronome. Et c'est vrai que ça permet de se laisser le temps de voir venir les choses et d'aller voir un peu tout ce qu'on pourrait faire d'autre que l'agriculture. Et puis finalement, ils nous disent bien, faites ce qui vous plaira. Et puis quand on les voit tous les matins se lever en ayant la banane et content d'aller faire ce qu'ils font, ça donne quand même envie. Quand on voit ses parents toujours heureux de faire leur métier, on se dit, purée, mais pourquoi pas moi aussi? Parce qu'en fait, je connais un peu ça, puisque j'ai grandi dedans. Et donc petit à petit, c'est vite arrivé l'âge de faire le choix de son métier est vite arrivé. Et donc, moi, je me suis dit, mais en fait, ce qui me plaît, c'est là où j'ai grandi, c'est la ferme familiale. Et si je peux travailler avec les gens que j'aime en plus, alors là, c'est l'extase. Donc, du coup, voilà, c'est comme ça que j'ai su que je voulais revenir avant tout, parce que de voir mes parents aussi heureux dans ce qu'ils font, que ça m'a donné envie. Et ensuite, en allant explorer les autres opportunités, donc avec les études, d'aller voir un peu les autres métiers, eh bien, j'ai pu voir d'autres choses. Et puis, je me suis dit, non, finalement, c'est vraiment ça que j'aime. Voilà. Ok, donc c'est vraiment un truc de l'enfance. Enfin, t'as vraiment été motivée par le fait que tes parents soient hyper heureux de leur métier. Oui, oui, oui, oui, c'est vrai. Mais aussi d'aller voir ailleurs, parce que je peux pas dire qu'en restant toujours que dans la ferme, ça peut pas ouvrir les. Oh, sinon, on a des œillères, quoi. Je veux dire, c'est vrai que quand même les études ont fait que ça m'a aidé à faire ce choix-là. Et justement, comme tu as pris un petit peu de recul, quand tu as voulu t'installer, c'était quoi tes premières appréhensions ? Et finalement, est-ce que tu as rencontré des difficultés ? Et alors, j'avais à peu près les mêmes appréhensions que vous de ce que vous parliez tout à l'heure, le financier. Le premier appréhension, c'était financier, parce que du coup, en ayant été voir ailleurs, on voit qu'en étant salarié à l'extérieur, que ce soit dans le para-agricole ou non, mais tous les mois, le salaire, il tombe. Et voilà, ben, quel que soit le résultat de la boîte, hein, en quelque sorte, si on peut dire. Et finalement, quand on est agriculteur ou quand on est à son compte, parce que pas que dans l'agriculture, si le résultat, il n'est pas fait à la fin du mois, ben, le salaire, c'est la première chose qui saute, hein, parce que toutes les charges, il faut les payer. Donc ça, c'était ma première appréhension. C'était la rémunération. Et finalement, quand même, aujourd'hui, on a des aides pour s'installer, pas que financières. Je parle aussi des aides des sociétés autour, comme la Chambre d'agriculture, le CER et plein d'autres partenaires qui nous aident à bien ficeler le projet d'installation. Et donc, finalement, quand on s'installe, on sait où on va, même financièrement. Donc ça a très vite été une crainte que j'ai écartée de mes appréhensions. Oui, pour le coup, tu sens que tu as vraiment été accompagnée par des structures qui t'ont suivi et qui t'ont permis voilà, de te projeter vraiment sur un projet concret et voilà, qui t'ont accompagnée. Complètement. Et puis après, le fait d'avoir été voir à l'extérieur et d'avoir été voilà, dans les études un peu, ça nous permet aussi de bien ficeler le projet et de se poser plein de questions que peut-être en étant resté que à la ferme, ça n'aurait pas permis de se les poser. Ouais. Et donc, Clémence, vous êtes 6 à travailler sur la ferme, je ne dis pas de bêtises. On est 7 exactement. 7, pardon. Et en fait, on se demandait quelles sont les forces et les contraintes de travailler autant sur une ferme, sachant qu'il y a beaucoup, beaucoup de la famille, quoi. C'est ça. Donc, on est 6 associés de la même famille, mes parents, mon petit frère, ma petite sœur, mon mari et moi. Et la 7e est une petite salariée qu'on a du village, donc on est 6 de la même famille, plus une autre personne. Et la grande force de travailler à 6, donc déjà de la même famille, c'est que aujourd'hui, quand on travaille, on n'a pas besoin de se retourner pour savoir si les autres sont là et s'ils font le boulot. C'est vraiment travailler dans un état de confiance et pour un même but, tous ensemble. Ça, c'est vraiment la première force et la première qualité du travail en famille, de travailler à nombreux. La deuxième qualité, à travailler à plusieurs et à aussi nombreux, ça répond aussi à vos appréhensions que vous disiez tout à l'heure, les filles. C'est que on garde quand même de la... On se coupe pas de tout le reste parce qu'on en garde quand même de la possibilité d'organisation et de se libérer du temps libre pour autre chose que pour le travail. Ça, c'est une autre grande qualité d'être nombreux. Et ensuite, ça répond une deuxième fois à ce que vous disiez tout à l'heure, à vos appréhensions, c'est que ça permet aussi de faire plusieurs choses sur la ferme. Aujourd'hui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on a 4 productions. Donc, ça permet de pas mettre tous les œufs dans le même panier, mais aussi de pouvoir tous s'exprimer sur une production. On n'est pas tous les 6 sur une seule production. On est donc 7 à travailler sur 4 productions et on a également développé une grande partie de vente directe à des particuliers sur les marchés locaux. Voilà encore une opportunité de garder un pied à l'extérieur et pas que dans la ferme. Donc les grandes forces de travailler, d'être nombreux, les voilà. D'accord. Et j'avais une autre question aussi. Enfin, je me demandais comment vous arrivez à communiquer en famille, rien que pour l'organisation de tous les jours ou pour vous mettre d'accord sur des projets. Enfin, comment se passent les décisions, comment vous fonctionnez de ce côté-là? Oui, parce que tout à l'heure, Charlotte nous parlait de ses inquiétudes par rapport aux conflits intergénérationnels. Est-ce que tu as des conflits intergénérationnels C'est vraiment chouette et je remercie Charlotte pour cette question parce que c'est une question que je trouve qu'on ne se pose pas assez dans les fermes quand il y a des reprises aujourd'hui. C'est, voilà, comme vous disiez tout à l'heure, c'est écrit, on fera agriculteur et on mélange les générations. Et il y en a qui arrivent et il y a plusieurs problèmes. Donc des petits jeunes qui arrivent, qui ont des idées et révolutionnaires, qu'on ne laisse pas forcément trop de paroles, ou au contraire, qui s'expriment trop et qui ne prennent pas le temps de regarder ce qui a été fait avant par les anciens. Donc nous, pour le coup, on a vraiment de la chance parce qu'on a un maître mot dans le travail à 6, que ce soit dans l'élevage, dans la transformation ou dans la vente, c'est la communication. Donc on se met autour de la table et déjà, avant de parler de décision pour le travail, on parle aussi d'échanger, de communiquer pour le fonctionnement, de comment s'entendre. On se fait des remarques et pas des reproches. Comment on se dit les choses? On ne laisse pas de non-dit sous la table. Voilà, tout ça, ça contribue au bon fonctionnement de la ferme à plusieurs. Et ensuite, pour les grandes décisions également, donc comme il y a plusieurs branches dans le travail, l'élevage, les cochons, les poulets, les canards, on a chacun quand même un axe de production. Ma sœur et mon papa, c'est plutôt sur les vaches. Ma maman et moi, on est plutôt sur les volailles. Mon petit frère et mon mari sont plutôt sur les cochons. Donc quand il y a des décisions stratégiques, mais pas qui nécessitent une réponse rapide, celle-là, des fois, il arrive qu'on prenne des décisions sans demander au groupe. Donc, par exemple, comment soigner les animaux, voilà, des choses comme ça qui ne nécessitent pas la décision de tout le monde. Par contre, pour les grandes décisions stratégiques de la ferme, là, on se met tous autour de la table et tout le monde donne son avis et on essaye de se mettre tous d'accord sur une décision où on est tous d'accord. Ok, c'est super intéressant comme fonctionnement. Et c'est vrai, comme tu l'as dit, je pense qu'on ne se la pose pas assez, cette question. Mais je note bien ta réponse et j'en tiendrai compte. c'est gentil. Voilà. Enfin, pour nous, du coup, si vous me demandez le maître mot du fonctionnement de la ferme de Cabrol, donc à 7, le maître mot, c'est l'entente. Donc on met un point d'honneur à ça et c'est la priorité des choses de s'entendre tous ensemble. Voilà. D'accord. Je ne vous dis pas qu'il n'y a pas une contrainte aussi à travailler en famille, parce qu'il y a aussi une petite contrainte, c'est que le ton, il monte très vite. Hein, parce que quand on n'est pas d'accord, ce n'est pas forcément comme quand on n'est pas d'accord avec des collègues de classe ou des collègues de travail, où on met un peu plus de forme. Là, pour le coup, le ton peut monter beaucoup plus vite en famille. Du coup, c'est à ça qu'il faut faire attention et à faire attention à comment on se parle. Et est-ce que du coup, à ce sujet-là, il y a des accompagnements? Tout à l'heure, on parlait de la TAG, donc l'association tarnaise pour les groupes, qui vont justement faire de l'accompagnement auprès des associés par rapport à leur manière de communiquer entre eux. Est-ce que vous avez été accompagné ou pas particulièrement? Ou c'est en famille? Pas particulièrement. Je dirais par contre qu'on a fait, attention à ça. Donc, on a pris les formations de chacun. Mon papa ayant fait une formation en communication avec les associés. Moi ayant fait la formation un peu communication en entreprise avec les études. On l'a mis en commun et on y a fait attention. Ensuite, il y a quand même une formation qui est mise en avant au niveau de la chambre d'agriculture pour les installations qui nous a été proposée et qu'on va peut-être faire également parce que rien n'est jamais acquis et que ça fait pas de mal d'aller le faire. Mais il y a la formation communication entre les associés qui est proposée aussi au moment de l'installation des jeunes par la chambre d'agriculture pour l'Aveyron. En tout cas, je sais qu'elle y est. Bon, parfait. Ok, merci beaucoup. Et si aujourd'hui c'était à refaire ton installation, est-ce que tu referais des choses différemment ou si tu relis ton expérience, quels seraient les leviers de réussite de ton projet? Voilà, qu'est-ce qui a fait que ça a marché? Comment tu referais différemment si c'est pas le cas? Ce qui a fait que ça a marché et que ça marche encore, c'est vraiment être à l'écoute des idées de tout le monde parce que on a tous fait des parcours d'études différents. Et aujourd'hui, de prendre les idées et être à l'écoute de tout le monde, ça permet vraiment de bien se passer et ça a permis de bien se passer au moment de l'installation. Qu'est-ce que je changerais si je pouvais changer quelque chose? Ma foi, je sais pas trop. Je pense qu'il y a toujours à changer. Mais je sais pas ce que je changerais. Par contre, une chose est sûre, c'est que je pense que rien n'est acquis. Et que je pense qu'on va continuer à se former et aller chercher des idées de l'extérieur. Rien qu'en discutant avec d'autres agriculteurs aussi et en écoutant ce qui se fait à l'extérieur, on peut toujours améliorer sa ferme et ses conditions de travail. Donc, je pars du fait que rien n'est acquis et que peut-être si vous me reposez la question dans une petite année, je vous dirai, avec Pétard, on a changé quelque chose depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Bon, le maître mot, du coup, ce serait l'échange et la communication. Voilà, c'est ce qu'on retiendra, en tout cas. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Clémence, d'avoir passé ce moment avec nous. On a vraiment apprécié, du coup, cet échange, tes conseils, tes anecdotes et surtout ta franchise. Voilà. Merci beaucoup, Clémence. Merci à vous, en tout cas, d'avoir pris le temps de m'écouter. Ça me fait très plaisir et j'espère que vous pourrez trouver vos projets professionnels qui vous plairont, vos installations, qu'elles soient dans les Pyrénées ou non. Oui, c'est parfait. Merci. Merci beaucoup. Avec plaisir. C'est donc sur ces belles paroles et ce témoignage motivant que nous allons conclure ce podcast. Ce temps de préparation et d'émission ont vraiment été bénéfiques pour nous dans la projection de notre avenir professionnel, comme nous l'avons dit. L'installation est un parcours semé d'embûches, mais quand on est bien accompagné, rien n'est impossible. Nous remercions nos familles et nos amis avec qui nous abordons très souvent ce sujet complexe et qui nourrit cette émission en répondant à nos interrogations et qui nous accompagne dans notre réflexion. Encore un grand merci à Clémence Cabrit de la ferme de Cabrol pour son témoignage. Nous remercions aussi vivement l'école d'ingénieurs de Purpan ainsi que les professeurs Sophie Yvon, Adeline Bouvard, Simon Giuliano qui nous ont accompagnés dans ce projet. Nous remercions le Campus FM qui nous a donné l'opportunité de nous exprimer sur ce sujet. Nous rappelons que notre pause musicale a été faite par le groupe Wazou avec le titre « Agriculteurs, pas de pays sans paysans ». Vous pouvez retrouver tous les épisodes d'AgroJécoute sur toutes vos plateformes de streaming préférées. Et enfin, avant de nous quitter, nous avons encore une petite question à poser aux enfants qui sommeillent en vous. Et toi, tu veux faire quoi quand tu seras grand ? Quand je serai grand, je serai agriculteur, car j'aime les vaches, la nature et les tracteurs. Quand je serai grand, je serai agriculteur, parce que j'aime bien les bottes de foin et les vaches. Quand je serai grande, je serai agricultrice, parce que j'aime bien être dans les tracteurs et je voudrais travailler à la campagne. Quand je serai grande, je serai agricultrice, puisque j'aime travailler à l'extérieur et avec des animaux.